Tu fais le malin, motherfucker n'est plus malin. Okay, okay. Au panier de prix d'une villa, mais je ne leur donne même pas l'heure. Ok, ok, vous voulez la guerre, hein? Liquide, liquide, je vais vous boire cul sec. Sombre l'équipe, mais toujours innocent. Quand t'es entouré de salopes, ils vont te boire ton sang. Fais du bruit, dans le club, fais du bruit. Tu fais du bruit, tu fais que parler, toi tu fais du bruit. J'te vois pas, t'es où. Tu t'es perdu sur le chemin. Mais quand c'est résolu dans ta sortez la moi du carré, je connais toutes les rues sombres de Belize et toutes les petits fonds carrés, les bonhommes et les hagari, les toutes les tomis. Oula, oula, oula, j'suis la zone, moi j'suis soma. Oula, oula, oula, cousine, tu nous jettes, tu souma. Oui, oui, maladie, la vie qui le pif, maladie. Oui, oui, maladie, tous les jours plus de chiffres, maladie. Dans le S6-5, c'est comment, j'suis le rebelle plus chaud du rap en ce moment. Mon frérot a 3 tonnes dans la gomme. Elle croit que je vais les baiser, c'est des connes. Comme rage, je mets les gaz. T'es niqué ta mère, j'ai pas d'autres options. Dans les clubs payés sans eux, tu aurais pleu hier. Tu disais je prends des tables à 30 balles. Mais le son un peu plus fort. Tu même pas va niquer tes morts. Un appart dans mon armoire. Mais j'ai le prix d'une villa dans mon appart. Ouais, tu sais qu'on nous écoute dans tout Paris. Un tapé rouge, je prends un jet, je mange des pâtes en Italie. À Miami, j'ai pris ma table avec du feu, mais de Cali. Je suis le désert de ta vie, t'as mouillé dans la Ferrari, baby. Oh là, oh là, oh là, je la zone, moi je te